mérité ça que prévu. Yeah, yeah. J'ai peur de voir l'éternel, de perdre père et mère. Vois-tu le temps qui passe, les gens dépitent et se faire dépasser. Passer pour les pallier le mal ou bien le manier des pires manières. J'ai peur de finir seul sur la terre. Mère claire et l'amour, pourtant comme un verre de cristal. Je crise paragraphe, je crise mine pendant que des beastyles. Je vois que des balles s'allier, non pas des toiles s'aligner. Seule la lune illumine en regard de fou allié. Ensemble, tu vois le mal et qui se dissipe. Où se cache le barillet parmi tes disciples. C'est la crise ici, Narcisse habite son reflet. Que du physique dans le jugement qu'on aimait. Je vois les tiens semer le seum, les miens s'aimer. Je vois les pauvres saluer, les fous les allier au sol, le contempler, le sablier s'écouler sans le sou, s'efforçant de son délicieux jusqu'à son décès. Je suis humain comme toi, mais je me sens pas de ce monde. Je me sens vivant quand je vois, mais je vois plus passer les secondes. Il serait temps de se prendre en main afin de changer de mode de vie et que je supprime tous mes démons qui se montrent la nuit. Ils ont voulu couper les ailes, donc j'ai volé. Maintenant j'ai évolué, je suis dévoué à toucher le ciel. J'ai pas coupé la scène, non, j'ai touché la zèbre. J'ai des œufs que j'ai gratté, défoncé tout près de la scène. Tu connais le scénar. Si tu fais le malin pour rien, on te monte ou on te démonte vite comme un schémar. Mes souvenirs s'effacent dans le temps où partent en fumée. Dans ma ville c'est le vacarme quand t'entends le bruit des passants hurler. J'suis dans un monde parallèle aux leurs. Parfois je me paralyse, j'suis la rivière parallèle au fleuve. J'vais parler, j'ai rep de mon avenir. Donc je pète des flashs et j'fume des airs en rail dans l'avenue. Hey, si ça s'envenime et que tu sens le sang te monter à la tête, calme les choses ou tu préfères peut-être qu'on jette des roses à ta fête. J'enferme mes pros et la tête quand je vois le monde dans lequel on vit. Ils font des trucs pour moi, j'en fais pour eux, j'suis fier des miens. Hein. De toute façon c'est mieux. Enfin sauf pour les déceptions, on était prévenus. C'est ça de poser le pied sur la terre du milieu. Jack Daomi, elle, j'ai claqué mon billet pour te plier. Pas pour te prouver que t'es nul lâché car on t'a déjà oublié. Donc on s'en fout, hein. On avance, on s'enterre, on sent tête, donc on s'engouffre. Hein. Toi tu sens le combat, donc tu vas mener ton combat seul. T'es entouré de connards qui ne connaissent pas la compassion. Non, non, non, non, non, non, non. Ça arrive plus fort que prévu, frérot. FTT, c'est comme.